avait des rigueurs, des montées, des gueules, la comédie, mais dans ça tu n'as pas de crève. Demain des fêtes avec mes potes, mon mec de club a fini l'époque des monnaies, des keufs, damn. Mais putain, qui t'a dit que je voulais du buzz, buzz? Oh, puis, motherfucker G, motherfucker B, yeah. Motherfucker click, click, bang, bang. Je veux pas les phoenix, te mettrai en cendre. T'es comme ma clope, j'te fume sans qu'il y ait de mégots. Le globe bien monté pour te descendre. Herbivore, oui, j'me nourris de bédo chaud bien avant le centre de formation. J'suis comme ma film de boule, à chaque fois que j'finis de kick et merde, y'a éjaculation. Flow virus multicellulaire, derne pas de vaccination. Seul tout, j'suis né et j'mourrai, bitch, pas de place pour cohabitation. OPG Rousseau, double R, Dolpha et Lio. J'kiffe les boules des blagues de mon peuple, mais quand j'les baisse, y'a trop de Nalin Guillo. J'suis au top, meilleur niveau, j't'as bousillé tous mes rivaux. J'suis comme Moïse, sauf que j'écarte les merdes et qu'elles perdent les os. J'suis des os, ma juste limite aux hanches, drôle des nerfs. Argument, ma bite à des pépines au cure, je bande quand je te dis je t'aime. J'ai tellement pété des gueules, j'ai monté des gueules, la comédie, mais dans ça tu n'as pas de cœur. Dans ma défaite avec mes potes, si mon mec de club a fini l'époque des menottes et des keufs, damn. Mais putain, qui t'a dit que je voulais du buzz, buzz? Oh, puis, motherfucker G, motherfucker B, motherfucker click, click, bang, bang. Click, click, bang, bang. Click, click, click, click, bang, bang. Click, click, bang, bang. Click, click, click, click, bang, bang. Click, click, bang, bang. Click, click, click, click, bang, bang. Oh, puis, motherfucker G, motherfucker B, motherfucker click, click, bang, bang. Bang, bang, bang, damso. Bang, bang, bang, damso. T'aspect dans Merco, bédé dans le cockpit, j'suis high bro, bro standing, dealer maestro, derrière en spalding, grosse niaise gros, viens brainstorming, fuis dans le cerveau, adrenaline, forcing, toujours pas de flow. Pétasse ta gueule et sors tout ton flou, pétasse t'es là juste pour ta gousse, quoi va son jure trop fraîche chez ma douce, grognasse au liquide blanche à trombouche. Putain y'a des bitches et moi j'ai pas de l'eau, putain peu d'un riche, pas dans seconde zone. Putain c'est pas faux, j'ai pas de sous, mais n'associe pas souci à celui d'un mec qui ne check pas de go. Ah, motherfucker dem dans la boîte de nuit, j'ai dit motherfucker dem dans la boîte de nuit. Dans le verre, j'en ai plus d'un dans le zen, une douzaine dans les veines. Et puis c'est des choses de jean, on dit que j'suis déconique. Et dès que je nique, ça fait des polémiques. Tu paniques comme si y avait une crise économique. Motherfucker, j'aime ça, motherfucker, frigide, motherfucker, click, bang, bang, bang, bang, pow, pow. J'ai tellement pété des gueules, j'ai monté des gueules, la comédie, mais dans ça tu n'as pas de cœur. Dans ma def avec mes potes, tu m'en mets de club, a fini l'époque des menottes et des keufs, damn. Mais putain, qui t'a dit que je voulais du buzz, buzz? Oh, puis, motherfucker, G, motherfucker, peace, motherfucker, click, click, bang, bang. Click, click, bang, bang. Click, click, click, click, bang, bang. Click, click, bang. Bang a bang, click click click click bang a bang. Click click bang a bang, click click click click bang a bang. OB, G, motherfucker, B, motherfucker, click click bang bang.